Portrait, une émission de Mike Lécuyer qui vous propose en quelques titres de retracer le parcours de musiciens qui ont marqué l'histoire du blues et du rock. Portrait. Portrait J.J. Cale, l'anti-rockstar. J.J. Cale, de son vrai nom John Weldon Cale, est un auteur, compositeur, interprète et guitariste américain, décédé le 26 juillet 2013 en Californie. Quatrième partie. 4 ans sont passés depuis la parution de son dernier album en 1983. J.J. Cale compose toujours, mais sans véritable projet de nouveau disque. Quelques concerts au Canada, une tournée aux États-Unis avec un batteur, un bassiste et Christine Lakeland au piano. Pendant ce temps, Mike Kapus, son manager, lui trouve un contrat d'enregistrement chez Silverstone Records pour 2 albums. Le premier, Travelogue, paraît en 1990 sous le signe du voyage plus ou moins exotique. Ambiance louisianaise avec New Orleans, mexicaine avec Tijuana, ou asiatique avec Shanghai, qui sera d'ailleurs son premier clip. I was crossing the desert on Sunday day. I met 2 women, they passed my way. They took me to a tent and they locked the door. And all they ever said was a mama. Shanghai, Shanghai. Le reste des compositions étant bien dans le son habituel de l'artiste, comme le bouillonnant Hold On Baby ou le sautillant Lady Luck. Lady Luck, please just listen to me. Mistress of fantasy, send the dream my way. Can you come and make my day? Lady Luck, elusive as you are. You just a fleeting star. You never hit the sky. But you I seem to fly. Il s'installe dans une zone résidentielle où habite déjà sa sœur, près de Escondido, dans la région de San Diego. Nouvelle tournée américaine pendant laquelle il rencontre Paul Simon, qui va l'inviter à participer à l'enregistrement de son nouvel album. The Rhythm of the Sins. Lady Luck, hold on to my hand. I'm standing on shifting sand. I'm a dreamer, don't you know? Lady Luck, just don't let go. Le second album pour Silverstone Records, Number 10, numéro 10, paraît en 1992. Sa principale caractéristique est le mixage de la boîte à rythme au premier plan. Lonesome Train, Digital Blues ou bien encore Artificial Paradise. Many loves in a lifetime, they seem to go astray. Many people come and go, they never seem to stay. Sometimes I kid myself. Then I realize I'm just living in an artificial paradise. Français Emmanuel de Burtel, en 1992, contacte le manager Mike Kapus pour lui proposer de signer J.J. Cale sur le label qu'il vient de créer, De Label. Après quelques tractations et voyages, les deux hommes réussissent à convaincre le musicien de retourner en studio. Delabel met les bouchées doubles pour la promotion de Closer to You, qui paraît en 1994. Wish I was your underwear hanging around your waist. Every time you shake that thing, I get a little taste. Closer, closer, closer to you. Closer, gotta get closer, closer to you. If I was a pair of boots, I wouldn't have to beg. I'd be satisfied just being around your leg. When I am a dreamin', I take so many trips. I pretend that I'm a stick that decorates your lips. Closer, closer, closer to you. Closer, gotta get closer, closer. If I am a necklace dangling down your front, when you feel the time was right, I know just what you want. Wish I was a silk shirt draped around your back, rubbing next to your skin, trying to make contact. Closer, closer, closer to you. Closer, closer, closer. Le CD évidemment, mais aussi pour les médias, un livret et un CD contenant une interview en anglais et traduite en français. Slower Babies, me and Carstein here in the living room. Slower Baby, je me vois avec Carstein, mon producteur, dans la salle de séjour. Je lui ai dit, j'ai un morceau qui sonne comme du Barry White. Barry White, Barry White. I said, yeah, I've this track here, and I said. Alors je vais marmonner dessus des paroles à la Barry White. He put his conga over there, and. Du coup, il a pris ses congas. J'ai mis en place les textes, puis deux bons micros, et ensuite j'ai rajouté des pistes de guitare jazz bow. On n'attend pas de JJ Cale qu'il évolue. Tout juste qu'il reste l'espiègle peinard que Naturally a révélé voici presque un quart de siècle. Il est sensible à la qualité d'attention du public européen, plus fine gueule et moins consommateur que les Américains. Le disque débute une fois n'est pas coutume par une chanson rapide, Long Way Home, qui amène droit, elle aussi, à un clip. Philippe Garnier de Rock'n'Folk le rencontre à nouveau pour une très belle interview où l'artiste explique avoir beaucoup travaillé sur ce disque et être vraiment étonné que l'on s'intéresse encore à lui. Une autre interview très intéressante car plus technique pour les lecteurs de guitare et clavier est réalisée par Marc Zisman. Le disque reçoit un très bon accueil en Europe et une tournée est enfin programmée pour l'automne 1994. J.J. Cale vient pour la troisième et dernière fois en France. Le 2 octobre, il répond à quelques questions au journal télévisé de France 2. Le 3 octobre, il participe à l'enregistrement de Taratata, l'émission télévisée de Nagui, pour deux titres et une interview. Et enfin, il joue au Grand Rex le mardi 4 octobre 1994. Sur Internet, on peut trouver des extraits vidéo ou audio de cette tournée européenne. Un album en public, témoignage de cette tournée européenne et américaine, paraîtra en 2001. Son 12e album studio, Guitar Man, sort en 1996, toujours chez deux labels, mais pas de tournée européenne et donc moins de promos et d'impact sur les médias. Le disque comporte pourtant quelques belles compositions, comme Days Go By sur Le Temps qui passe, avec Voix grave parlée sur musique jazzy. When you light that funny cigarette, would you pass it back to me? I'm feeling a little down now, and it'll keep me company. I'm just a long lost sinner, living life here on the line. I'll give it right back to you. I know it's not really mine. Don't put it out, not right yet. It's burning pretty good. Maybe I'll have one more toke. Do you think I should? Ooh, days go by. I just sit around and get real high. Ooh, what a glow. I just hang out, they come and go. Et Guitar Man, qui donne son nom à l'album. Guitar Man, tell me what your secret is. Tell me please, can you put my mind at ease? When you're standing in the spotlight with all the girls around, I was wondering how you do it. Et à nouveau une pause de plusieurs années, jusqu'à un projet de retour aux sources avec le producteur Audi Ashworth à Nashville. Mais celui-ci décède et le projet est abandonné. Your fingers move so swiftly across those silver strings. It looks so nice and easy. How you make it sing, guitar man? Tell me what your secret is. Tell me please. Can you put my mind at ease? Le projet du retour aux sources, abandonné quelques années plus tôt, renaît en 2004 sous le titre « To Tulsa and Back ». Enregistré en réalité à une cinquantaine de kilomètres de Tulsa, le disque réunit presque tous ses anciens amis musiciens de la région. 6 morceaux figurent sur le disque, le reste des titres étant enregistré par J.J. Cale seul. Mes titres préférés sont « New Lover »,« Fancy Dancer » et Blues for Mama, composé quelques années auparavant en hommage à sa mère. Blues for Mama. Blues for Mama. Rest her soul, she's grown so. Her touch is like the winter snow. Blues for mama. Blues for mama. She went away only yesterday. I couldn't help. What can I say? Blues for mama. documentaire du même nom que l'album paraîtra en DVD l'année suivante. Vous écoutez Portrait, une émission de Mike Lécuyer. Eric Clapton l'invite à participer à son Crossroads Guitar Festival, dont les recettes servent à financer un centre de désintoxication. Au cours de ce festival, un projet discographique commence à germer dans l'esprit du guitariste anglais. I've been asking some people if they remember the girl they forgot, the brown eyes they caught, red dress, have you seen her? I think she's much leaner, I guess she is missing, it's true. Eric Clapton aimerait bien que J.J. Cale produise son prochain disque. En effet, J.J. a déjà produit quelques artistes, comme John Hammond par exemple. Et il aime aussi être derrière la console de mixage. Les managers en parlent, mais Cale n'est pas enchanté par l'idée. Mais au fil des discussions, l'affaire est entendue. Mais au fur et à mesure des recherches du morceau, des musiciens et de la semaine que Clapton passe à Valley Center chez Christine et John, le projet évolue tant et si bien que cela devient un album commun sous le nom J.J. Cale and Eric Clapton, The Road to Escondido. Ce dernier ayant insisté auprès de la maison de disques pour que son nom soit écrit après celui de Cale, prouvant son admiration pour le musicien américain. Up and she left, now she's gone. She didn't even give me a clue. Didn't write me no notes, send me no letters. It's true, she is a missing person. Where are you? Missing person. Le disque paraît en 2006 et remportera le Grammy Award du meilleur disque de blues contemporain. Deux reprises d'anciens titres de Cale figurent sur l'album, Don't Cry Sister et Anyway the Wind Blows. Some like this, some like that, some don't know. Where's that? Don't get loose, don't go. Till your motor won't make it, till your motor won't run. Your motor ain't walking through the loop. She got tired, she got blue. Malgré ses réticences, sort en 2007 l'album Rewind, comportant des reprises et des inédits enregistrés pour sa première maison de disques. Il est donc temps de préparer un nouveau vrai disque, Roll On, pour Because Music, le nouveau label d'Emmanuel Burtel, qui paraît en 2009. Le matériel provient de diverses sessions des précédents disques, ou de J.J. Cale seul, comme il aime le faire, à son rythme. Eric Clapton est présent sur le titre Roll On, une composition qu'ils avaient enregistrée en 1984. It's the sun. don't shine this evening, and the rain is falling down. Don't grieve just cause it's cloudy out. Come on down to the corner, we're having a party there. You can dance naked, nobody really cares. Roll on, just keep rolling on. Roll on, just keep rolling on. Well, if your mind is a heavy laden and your thoughts keep getting you down, don't you worry, honey, we're all right here in town. Roll on, just keep rolling on. Roll on, just keep rolling on. Surprise générale, J.J. Kell demande à son manager de lui organiser une tournée. Une quinzaine de dates sont programmées aux États-Unis et deux au Canada. À 70 ans, ce sera sa dernière tournée. Toujours en 2009, Eric Clapton le recontacte pour son nouvel album Clapton qui paraîtra en 2010. Il joue sur trois morceaux, dont deux de sa composition, mais doit rentrer chez lui à cause de problèmes cardiaques. J.J. Kell décède le 26 juillet 2013 à l'hôpital de La Jolla, près de San Diego. Dans l'avion qui l'emmène aux funérailles, Eric Clapton réécoute ses morceaux préférés de J.J. Kell et décide d'enregistrer un album entier en son hommage avec l'aide de musiciens proches de J.J. et Christine Lakeland. They go for a quarter, they're guaranteed to satisfy. It's a real funky deal, don't let it pass you by. Eric Clapton and Friends, The Breeze, an Appreciation of J.J. Kell, paraît un an plus tard, en juillet 2014. Dernier album studio posthume, Stay Around, comprend 15 inédits qui s'échelonnent des années 1980 à 2000, dont une composition de Christine Lakeland, My Baby Blues, écrite en 1977, l'année de leur rencontre. Le disque a été compilé par sa femme et son manager, Mike Kapus, en 2019 pour le label français Because Music. My baby runs like the river wide. My baby runs like the river wide. My love keeps turning, my love keeps turning, my love keeps turning. Moins connu aux États-Unis qu'au Canada, Australie et Europe, J.J. Cale est intronisé à titre posthume à l'Oklahoma Hall of Fame, mais toujours pas au Rock'n'Roll Hall of Fame. Cette émission s'est largement inspirée du très bon livre de Bertrand Bouer, J.J. Cale, paru en 2022 aux éditions Le Mot et le Reste. C'était l'émission Portrait. Bonsoir.